Chapitre 5e. Les 5 ou 6 premiers mois de la vie conjugale de Mrs. Barnaby furent si heureux que non seulement elle oublia vite tous ses anciens désappointements, mais elle arriva à être presque persuadée qu'il était à peu de choses près aussi agréable d'épouser un pharmacien de campagne d'un certain âge, propriétaire d'une bonne maison et d'un joli revenu, qu'un bel officier qui n'a rien. Durant l'espace de temps qui s'était écoulé entre l'aventure de la belle Martha avec M. Smith et le moment fortuné où elle était devenue Mrs. Barnaby, elle avait jusqu'à un certain point réussi à sauver son crédit auprès de cet important personnage, qui était à la fois le mercier et le marchand de nouveautés par excellence de Silverton. Elle avait posé en saule pleureur devant lui, poussant même la comédie jusqu'à lui dire avec un clignement de paupières qui laissait croire que ses yeux étaient pleins de larmes. « Je ne crois pas, non, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu avant moi une jeune fille aussi trompée. Je suis bien sûr, M. Smith, que vous-même, d'après ce que vous aviez vu, vous étiez convaincu que j'étais fiancé au capitaine Tate, et pourtant, dès qu'il a trouvé une fille ayant quelque argent, il m'a renvoyé toutes mes lettres. » M. Smith crut-il la jeune personne ou ne la crut-il point? En tout cas, il ne l'encouragea nullement à renouveler ses opérations. Au contraire, il envoya sa petite note ponctuellement tous les 3 mois, refusant nettement d'accorder aucun crédit, même pour des articles de première nécessité. Tout lui fut payé après la vente du bien de Compton Bassett, mais il n'eut plus aucun arrangement à espérer de ce côté. Au reste, la faculté qu'avaient maintenant les Compton de vendre un peu de leur rente pour réaliser 100 livres, quand le besoin s'en faisait sentir, ajournait la nécessité de tourmenter le commerçant pour obtenir un nouveau crédit, et Miss Martha avait continué jusqu'à un certain point à avoir avec M. Smith d'amicales relations, quoiqu'une mutuelle réserve régnât toujours entre eux. Mais combien les choses étaient changées maintenant! Mrs. Barnaby n'avait qu'à envoyer sa bonne ou son petit domestique au plantureux magasin de M. Smith, et tout ce qu'elle pouvait désirer lui était envoyé à l'instant. On savait que l'intègre M. Barnaby était fier de sa femme, et en effet, bien qu'elle ne fût plus aussi élancée, aussi délicate que dans sa première jeunesse, Mrs. Barnaby était vraiment presque aussi belle qu'autrefois. Un soupçon de rouge, relevant le brillant de ses yeux, rappelait une fraîcheur qui commençait à peine à se faner. Et grâce à l'absence totale de cette timidité qu'on appelle fausse honte, avantage qu'elle devait sans doute à l'honneur d'avoir été pendant 12 ans la reine de beauté d'une ville de province remplie d'officiers, elle avait tout ce qu'il fallait pour présider avec élégance aux soirées suivies de soupers que donnait M. Barnaby, et pour tenir avec un entrain et une vivacité que ce dernier trouvait adorable, la place d'honneur réservée chez tous leurs amis à la nouvelle mariée. Mrs. Barnaby était à la fois orgueilleuse et ambitieuse. Elle brûlait du désir de se trouver dans une situation qui l'autorisa à se donner des airs de grande dame, et son orgueil eût été pleinement satisfait si elle avait été certaine que, parmi ses relations, sa maison et ses toilettes seraient citées comme les plus coûteuses du pays. De plus, elle était douée de ce que les Français appellent l'esprit d'intrigue. Ainsi, elle préférait de beaucoup de voir l'objet de sa convoitise à ses manœuvres artificieuses plutôt qu'à un simple concours de circonstances. Comme son caractère, bien que d'un égoïsme aussi tenace que tranquille, n'était ni aigre ni violent, et que le mari qu'elle avait eu la chance de rencontrer était la bonté même, le bonheur conjugal aurait pu durer longtemps, si quelques malheureux incidents n'étaient venus le troubler. Le premier de ces événements fut la maladie grave qui atteignit subitement Mrs. Compton. La pauvre dame fut bien vite emportée. Au bout de 8 jours, on put dire d'elle qu'elle était bien heureuse et jouissait de son repos. Ce deuil vint interrompre de la façon la plus cruelle la vie brillante que menaient M. et Mme Barnaby. De plus, le noir seyait fort mal à cette dernière. Elle s'en rendait parfaitement compte et y trouvait un nouveau sujet de tourment. Mais les ennuis qui suivirent ce triste événement furent d'une nature encore plus sérieuse. Les ressources du pauvre M. Compton étaient absolument épuisées. Il avait dû retirer de la banque sa dernière 100 livres sterling, et si Mrs. Barnaby ne voulait pas que son père allât mourir soit en prison, soit à l'hôpital, il fallait arriver à avouer à son mari que toute cette splendeur dont l'apparence leur avait coûté tant de peine, à elle et à sa mère, n'était que mensonge. Mais notre héroïne n'était pas femme à se laisser abattre par de pareilles difficultés. Sentant qu'elle n'y avait plus moyen de reculer, voici comment elle s'y prit. Le moment qu'elle choisit pour faire cette ouverture fut celui où généralement les hommes sont dans la plus aimable disposition d'esprit, c'est-à-dire ce moment où, la faim ayant été satisfaite, la digestion n'est pas encore commencée. En un mot, quand elle entra en matière, M. Barnaby en était à ses noix et à son vin. « Mon cher Barnaby, j'ai quelque chose de bien pénible à vous communiquer, quelque chose que je viens d'apprendre seulement aujourd'hui et qui m'a chagriné plus que je ne saurais le dire. Grand Dieu, que pouvez-vous avoir à me dire, mon cher trésor? Pour l'amour de Dieu, ne pleurez pas, ma belle Martha. Dites-moi tout. Comptez sur moi pour vous consoler. » C'est ce que je fais, mon bien cher Barnaby. Hélas, à qui me confierais-je maintenant? Mon pauvre père. Non, jamais je ne me serais imaginé chose pareille. Mon pauvre père est mourant, peut-être? Mon pauvre amour. Hélas, Martha, ma chérie, il y a bien longtemps que je vois que son cas est sans espoir. J'avais cru que vous le saviez. Mais réellement, l'état où il est actuellement doit vous adoucir sa perte. Il doit souffrir beaucoup par moments. » Le premier mouvement de Mrs. Barnaby avait été de répondre que ce qu'elle avait à dire était bien pire que cela. Mais c'eût été dire la vérité, et une espèce de précaution habituelle qui lui était presque naturelle la portait toujours à s'arrêter avant de prononcer ce qu'elle n'avait en réalité aucun motif de taire, si ce n'est qu'elle trouvait généralement un grand avantage à arranger tant soit peu les choses. Donc, en réponse à l'affectueux témoignage de son mari, Mrs. Barnaby répliqua avec un sanglot « Non, mon cher Barnaby, je n'ai nulle raison de craindre que la Providence ne me laisse pas, pour quelque temps encore, le seul parent qui me reste. Hélas, ce n'est pas là ce qui... Enfin, cher ami, ma pauvre chère mère, dans sa grande anxiété d'épargner à l'âge et à la faiblesse de mon père la souffrance d'une pareille révélation, a eu le tort de lui cacher, ainsi qu'à moi, la faillite de la personne à laquelle il avait confié la somme provenant de la vente des terres de mon grand-père. Dieu du ciel, c'est un rude coup, ma chère. Et comment se nomme cet individu? J'espère que nous pourrons du moins arracher quelques dividendes. Je ne sais pas positivement son nom, mais je sais que c'est un négociant de New York, et par conséquent, je crains que nous n'ayons peu de chance d'en avoir jamais un sou. En ce cas, il est fort à craindre que vous ne puissiez pas vous flatter de beaucoup d'espoir à ce sujet. Et que reste-t-il au pauvre gentleman, Martha? Rien, Barnaby, absolument rien. Et à moins que vous ne consentiez à ce qu'il vienne terminer ses jours sous votre toit, je crains qu'il n'ait d'autre asile qu'une prison. » Et un violent accès de larmes suivit cet aveu. « Essuyez vos beaux yeux, ma belle Martha, » dit l'excellent homme. « Croyez-moi, nous saurons bien rendre le papa heureux avec nous. C'est une affaire arrangée. Que je vois la gaieté reparaître sur votre visage. » Mrs. Barnaby était si contente de s'être si bien tirée de cette désagréable affaire que sa gaieté ne fut pas longue, en effet, à renaître. Elle avait tout de suite décrété de donner à son père une petite chambre située sur une cour de derrière, où le pauvre homme n'eut guère eu d'agrément, sans l'attention de M. Barnaby, qui voulut installer M. Compton dans une des meilleures chambres de la maison. Le digne pharmacien montra en cette occasion de quelle bonté il était capable. Le pauvre vieux révérend vécut encore 2 ans et demi, entièrement à la charge de son gendre, sans que la bienveillance de celui-ci se démentît un seul instant vis-à-vis de son beau-père. Pendant tout cet espace de temps, Miss Betsy n'avait pas revu son frère. Elle s'était informée de lui, avait su qu'il était installé bien confortablement chez son gendre, et comme elle n'était pas femme à se présenter chez sa nièce Barnaby sans y avoir été priée, elle ne s'en occupa plus. Elle continua à mener son train de vie tranquille, augmentant ses revenus chaque année, sans autre but apparent que de s'accorder la satisfaction de se savoir 10 fois plus riche que personne, à l'exception peut-être du fermier Wright, ne pouvait s'en douter. Les choses en étaient là, lorsqu'une lettre fort polie de M. Barnaby arriva à Compton Bassett pour annoncer à Miss Betsy que M. Compton avait manifesté le désir de la revoir ainsi que la petite Agnès. Il ajoutait qu'il fallait se hâter car le pauvre homme était bien près de sa fin. Les préparatifs de la vieille fille furent bientôt faits. Elle écrivit à la personne à laquelle elle avait confié Agnès de la faire conduire sur le champ à Silverton. Puis, prenant la carriole du fermier Wright, elle partit elle-même pour faire sa première visite à sa nièce mariée et cette dernière à son frère mourant. Depuis le jour où la tante Betsy avait emmené la petite Agnès, jamais celle-ci n'était revenue à Silverton. Mrs. Barnaby avait bien pensé de temps à autre à sa petite nièce, mais l'intérêt qu'elle lui portait n'étant pas de taille à lui faire entreprendre une correspondance avec Miss Betsy, l'enfant ne s'en était jamais douté. Ce fut le soir que la petite vieille fille arriva chez sa nièce. Elle trouva cette dernière, vêtue de ses plus beaux atours, installée dans son salon dont elle avait fait enlever toutes les housses. « Je regrette, Miss Compton, » dit l'élégante femme du pharmacien, « car je puis désormais vous donner ce nom, mon mariage ayant mis fin à toute confusion. Je regrette, dis-je, que votre première visite doive se faire en de si tristes circonstances. Et quoique cette pièce soit sombre, comme tout doit l'être en ce moment dans ma demeure, je puis cependant vous affirmer quel est le théâtre quotidien de la vie intérieure la plus confortable. » Ceci était dit sans rougir, et pourtant cette pièce n'était jamais habitée que les jours de gala. Miss Betsy, ou plutôt Miss Compton, comme nous l'appellerons désormais d'après la judicieuse remarque de Mrs. Barnaby, avait vu d'un coup d'œil le tapis immaculé, l'air froid et guindé de la chambre, et avait immédiatement compris que sa nièce mentait. « Si c'est réellement ici que vous vous tenez d'ordinaire, nièce Martha, il faut que vous ayez fait de bien grands progrès en propreté, et à voir comme tout y est tiré à quatre épingles, il est inutile de vous demander si vous avez des enfants. » Cette réplique était amère de toute façon. D'une part, elle montrait clairement combien la vieille fille était peu la dupe de la prétendue élégance de sa nièce, et de l'autre, elle faisait allusion à la stérilité de Mrs. Barnaby, sa plus grande mortification. Jusqu'où aurait pu aller cette petite guerre d'escarmouches est impossible à dire, car il était difficile de mettre en présence de personnes se détestant plus cordialement. Mais avant que Mrs. Barnaby eût réussi à trouver quelque chose d'aussi mordant que ce qu'elle venait de recevoir, son mari entra. Il n'attendit pas les phrases pompeuses préparées par sa femme pour sa présentation, et allant droit à la visiteuse, avec un air à la fois respectueux et triste, il lui dit qu'il devait se hâter d'aller auprès de son frère si elle voulait être reconnue. Miss Compton, se levant immédiatement, le suivit près du lit du pauvre vieux Josiah. Le moribond, quoique très faible, avait encore toute sa connaissance. Il la remercia d'être venu, exprima en termes chaleureux sa gratitude envers son gendre, et parla de son désir de revoir la petite Agnès avant de mourir. Miss Betsy lui ayant affirmé que la petite serait là le lendemain, il renvoya tout le monde, excepté sa sœur, et commença à lui faire une sorte de confession dans laquelle il lui dit tous ses remords d'avoir vendu la portion des terres que son père lui avait léguée, sachant parfaitement que le vieux Squire, comptant sur le célibat de sa fille, avait combiné qu'un jour ses biens se trouveraient forcément réunis sur la tête des descendants du révérend. Ce fut avec une émotion bien vive que le pauvre homme apprit le nom du réel acquéreur des terres qu'il avait vendues. Il prit la main de sa sœur, la porta à ses lèvres et, la baisant avec ferveur, lui dit « Soyez bénie, Betsy. » « Eh bien, essayez de dormir, cher frère, » dit Miss Compton, qui craignait que cette émotion, en hâtant la fin du malade, ne privât la petite fille de la bénédiction de son grand-père. « Je dormirai, » répondit-il avec plus de calme, « quand vous m'aurez dit qui aura la terre de Compton Bassett après vous. » « Agnès Willoughby, » répondit solennellement la vieille fille. « C'est très bien. Allez maintenant, laissez-moi dormir. » Et Miss Compton, l'ayant veillé un instant, rappela la garde, après quoi elle se retira dans la solitude de sa chambre particulière.